deuxième temps d'une semaine de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire des collections d'art et des collectionneurs. Ce matin, le documentaire du mardi est signé Séverine Yatar et Françoise Camard et vous emmène dans deux musées créés par deux présidents de la République à partir des collections de cadeaux qu'ils avaient reçus pendant leur septennat. Nous partons donc à Saran, en Corrèze, où se tient le musée Jacques Chirac, et à Château-Chinon, où François Mitterrand créa un musée du septennat. Nous allons y croiser à la fois les cadeaux des Français à leur président, mais bien sûr aussi les cadeaux de leurs homologues chefs d'État étrangers. Visite jusqu'à 10h des lieux de conservatoire de la tradition diplomatique en France avec Vincent Rigaud du musée Jacques Chirac et François Martin du musée du Septennat à Château-Chinon. Voilà, Monsieur le Président, au nom du Conseil Régional, nous allons vous remettre en souvenir de votre vie dans notre région ces témoignages de notre attachement à la fois à votre personne et à votre qualité de chef de l'État. Alors, notre choix s'est porté sur des productions de l'art régional. Quant à ce tableau de Jaurès, merci, Monsieur le Président, il nous a semblé normal qu'un tel nom apparaisse aujourd'hui dans ce choix. Une foultitude d'objets, alors des arts de la table derrière nous, que ce soit en verre, en porcelaine ou pas, de tables en bois, de chaises, de maquettes de bateaux. On a beaucoup de bateaux puisque chaque mer du littoral offre forcément son bateau de pêche. Il y a un fusil offert par le Maroc. Alors, on a absolument tout type d'objets, de matériaux. Ce matin, comme le veut la tradition, le président chinois Yang Zeming et le président français Jacques Chirac ont échangé des cadeaux. Jacques Chirac a reçu un poème de Li Taipo, calligraphié par Yang Zeming en personne, un poème qui parle des plaisirs du vin et de l'amitié. Et au président chinois, la France a offert la feuille d'embauche de Deng Xiaoping à Paris dans les années 20. Des boules de pétanque offertes par le chanteur Henri Salvador, un poivrier offert par une restauratrice française, mais des objets aussi à caractère historique, un casque d'un chef pompier de New York, retrouvé dans les ruines du World Trade Center, qui a été offert par Rudolph Giuliani, maire de New York, suite aux attentats du World Trade Center. Un objet à côté un peu plus humoristique, c'est un cadeau qui a été offert par une Mauricienne, c'est un dodo en polystyrène, des bleuets effectivement en plastique suite à une commémoration militaire. Voilà. Des cadeaux aussi d'enfants, nous avons quelques cadeaux d'enfants dans notre collection. Je pense ce réveil matin avec la tête de Mickey Mouse qui a été offert par une jeune américaine. Les trésors des présidents. Les chefs d'État reçoivent de nombreux cadeaux durant l'exercice de leurs fonctions. Les voyages officiels ou protocolaires sont l'occasion d'échanger des cadeaux d'apparat. Ils proviennent du monde entier et reflètent une histoire, une culture, un savoir-faire. Souvent personnalisés, luxueux ou symboliques, ces présents tissent des liens, définissent une relation d'amitié et expriment la bonne entente. Aux côtés de ces cadeaux figurent également des objets provenant de la France entière, offerts par des collectivités, des institutions publiques ou de simples particuliers. François Mitterrand et Jacques Chirac ont souhaité que ces cadeaux puissent être mis à la disposition de tous, dans un musée dédié à ces collections d'une extrême diversité. Le musée du Septennat a ouvert ses portes en juillet 1986, à Château-Chinon, dans la Nièvre, et s'est agrandi après la réélection de François Mitterrand. D'autres objets, dont la plupart des portraits, sont également exposés à Clamecy et à Jarnac, alors que les 18 000 ouvrages de la collection sont consultables à la médiathèque de Nevers. Le musée du président Jacques Chirac est situé dans le petit village de Saran, en Corrèze. Autour de 150 cadeaux, présentés en permanence, Cet espace d'exposition, assorti d'une réserve visitable et d'une bibliothèque, veut être un observatoire du monde contemporain, un outil de compréhension des sociétés. Comme une invitation au voyage, les objets sont contextualisés à l'aide d'une présentation par aire géographique. Europe, Afrique, Amérique, Océanie, Moyen-Orient et l'Asie, que Jacques Chirac affectait tant. Nous ne sommes pas un musée à géographie, nous ne sommes pas un musée à la gloire de Jacques Chirac du tout. Vincent Rigaud, directeur adjoint du musée du président Jacques Chirac. Nous sommes un musée des cultures du monde, un musée ouvert vers l'autre, vers les autres cultures, et un musée qui travaille et qui parle aussi des institutions politiques françaises, et en particulier de la Ve République, à travers les cadeaux protocolaires et diplomatiques que le président a reçus entre 1995 et 2007. Finalement, c'est un musée aussi qui dit la relation entre le président de la République et le peuple qu'il gouverne, et le président de la République et les États du monde. Tout à fait. Effectivement, ce musée raconte à travers 5018 objets les relations qu'a pu entretenir le président de la République avec ses concitoyens français, à travers des cadeaux qu'il a reçus dans le cadre français, mais aussi les relations qu'il a pu entretenir, relations diplomatiques, et dans le cadre de cadeaux protocolaires, des relations qu'il a pu entretenir avec les grands de ce monde, avec des présidents américains comme Bill Clinton, le président Bush, voilà, ou des premiers ministres japonais ou du Moyen-Orient. Et à travers ces cadeaux, effectivement, nous racontons aussi un contexte, une histoire politique qui s'est construite entre 1995 et 2007. Nous allons nous acheminer vers l'entrée du musée avec vous, François Martin. Je crois que vous-même, vous définissiez ce musée comme un musée d'art décoratif. Un musée d'art décoratif dans la mesure où il y a, comme dit François Mitterrand, tout à trac. C'est vraiment une espèce de fatras et il dit même que c'est une caverne d'Ali Baba. Tellement les objets sont mélangés en fait. On a aujourd'hui une salle Afrique où effectivement sont rassemblés des objets qui viennent essentiellement de ces voyages africains, et j'y rajoutais une salle Asie. Donc effectivement, c'est un mélange de culture et de savoir-faire qui est assez intéressant à muséographier, mais qui esthétiquement pose effectivement de quelques contraintes en fait, visuelles fortes. Et alors, le challenge d'une collection comme celle d'un musée protocolaire, de cadeaux protocolaires, c'est qu'on ne choisit pas sa collection, puisque en règle générale, un conservateur enrichit finalement un existant et autour d'un axe et d'une thématique qui est donnée. Là, la seule thématique, c'est le hasard. C'est le hasard de la provenance du savoir-faire local. Et donc, il y a un mélange qui est totalement inouï. On trouve partiellement cette volonté d'ouvrir à tous la culture et cette connaissance de cette collection ici au musée du Septennat. La maxime de Mitterrand, c'est on va aller la voir de plus près parce que comme ça on ne fait pas d'erreur. Il m'a paru naturel que les cadeaux reçus dans mes fonctions de président de la République fussent accessibles à tous. Voilà. Et on rajoutera qu'effectivement, en tant que maire de Château-Chinon, il a paru essentiel de situer son musée ici à Château-Chinon, qui complète aussi cette phrase. Monsieur le Président, en ce début d'année 1997, qui est l'année du Japon en France, et sachant l'affection toute particulière que vous portez à ce pays qui est le mien, permettez-moi d'exprimer ma profonde reconnaissance et ma plus sincère gratitude à la France, en vous offrant humblement une de mes peintures. Vous êtes dans la salle d'introduction à l'exposition permanente où sont présentées une sélection de cadeaux. Il y en a 156 qui sont présentés par zone géographique, avec des cadeaux français, l'espace France, l'Europe, l'Afrique, l'Océanie, l'Asie et le Moyen-Orient. Le mur des visites d'État, en fait, montre une grande map monde, une carte, une cartographie numérotée, et chaque numéro correspond à une visite d'État représentée juste en dessous par une photographie de cette visite d'État, avec en vert les visites rendues par le président à l'étranger, et en violet, c'est la visite d'échange quand un chef d'État se rend en France. Chacune de ces visites d'État présentées correspond aussi à un cadeau qui est présenté soit en réserve visitable, soit en exposition permanente. Alors, donc vous avez choisi de commencer par en fait les cadeaux faits au président Chirac en France, alors soit par des représentants de la République, mais en région, soit à la limite, parfois aussi, par des citoyens lambda. Par des citoyens lambda, effectivement, par des Français. Donc l'espace d'exposition permanente, l'espace France, pardon, vous avez aussi bien des cadeaux offerts par Dominique Baudis avec la fusée, la maquette d'Ariane 5, pour des consultations franco-allemandes. Un cadeau, alors là, c'est un cadeau qu'on va dire officiel, qu'on va appeler officiel, offert par un élu municipal en particulier. Un cadeau à côté qui a un caractère un peu plus folklorique, qui a été offert par des artisans et commerçants d'un quartier de Marseille, qui offre la partie de carte de Marcel Pagnol avec des figurines des sortants de Provence en terre cuite. Ces cadeaux que nous avons dans notre collection sont très différents les uns des autres. Il faut savoir que 20% de notre collection est constituée de cadeaux offerts par des privés, des Français, qui décident un jour d'offrir un cadeau au président de la République, dans le cadre d'un déplacement en France, mais qui peuvent aussi envoyer un cadeau au président par courrier. Toutes les occasions sont bonnes, et ça, en étudiant la collection, on le voit très très bien, d'offrir un cadeau au président de la République. Pour son anniversaire, les fêtes de Pâques, la Saint-Jacques, les fêtes de Noël, tout ce que vous voulez. Ce qui est important dans ces cadeaux offerts par des particuliers, c'est la correspondance qu'on appelle ici la documentation jointe, qui accompagne souvent ces cadeaux. Il peut y avoir effectivement des lettres de soutien à la politique du président, des lettres de remerciement pour une intervention un peu plus personnelle que le président a pu avoir sur certains cas. Mais il peut aussi y avoir des cadeaux de protestation. Le président de la République, M. Mitterrand, a regagné Paris hier soir après un voyage africain qui l'a conduit du Zaïre à la République centrafricaine en passant par le Burundi pour le 11e sommet entre la France et les pays africains francophones. Mais en marge de la diplomatie et du sérieux de la politique, nos envoyés spéciaux comme nous n'avons pas résisté au plaisir de vous montrer cette image de François Mitterrand ouvrant le bal avec Madame Kolingba, l'épouse du président centrafricain. Constater que le chef de l'État ne s'attendait manifestement pas à cet honneur. Il a tout de même rempli de bonne grâce cette obligation sur des rythmes afro-cubains interprétés par l'orchestre des forces armées centrafricaines. Donation de François Mitterrand, président de la République, au département de la Nièvre. Article 1. Monsieur François Mitterrand fait don au département de la Nièvre. Conservation départementale des musées, des objets qui figurent sur les listes jointes en annexe et qui lui ont été offerts dans l'exercice de ses fonctions de président de la République. Ces objets seront déposés et exposés à Château-Chinon. Alors ici, un cadeau protocolaire, enfin un peu particulier et en même temps traditionnel, François Martin, on est dans la salle des médailles. En fait, on offre toujours une médaille, on échange une médaille. Alors, une décoration, donc effectivement, François Mitterrand, grand maître de la Légion d'honneur, donc offre à son homologue la plus haute distinction française en échange, effectivement, de la grande décoration de son pays. Alors, c'est vraiment le béaba du protocole. On descend de l'avion, on se salue la main au bas de l'échelle de coupé, puis ensuite on a les hymnes, on rencontre le gouvernement, souvent on salue les troupes, et ensuite on se rend dans un espace privé, et là on s'échange mutuellement, on s'autodécore de la plus haute distinction du pays, et François Mitterrand est le premier chef d'État d'ailleurs à faire don de ses décorations. Et ce que mes prédécesseurs et moi-même ne savions pas, c'est que beaucoup de ces décorations sont viagères. Donc, du vivant du président, il peut les conserver, mais après son décès, on doit retourner la décoration. Alors, c'était le cas du Danemark, puisqu'effectivement, on a restitué, il y a maintenant une petite vingtaine d'années, un ordre de l'éléphant blanc. Et puis, il y a peu, d'ailleurs, il y a 2 ans, l'ambassade espagnole m'a demandé de lui restituer un collier lors de Sainte-Catherine. Et en fait, bon, j'ai eu un gros problème puisque la collection, depuis 2002, est considérée comme un trésor national. En fait, toutes les collections des musées de France sont considérées comme des trésors nationaux, appartiennent donc à la nation. Et j'ai fait expliquer à l'ambassadeur que ça allait être extrêmement compliqué de mettre en œuvre une décision pour leur restituer ce collier. Donc il a eu la bonté d'esprit de nous laisser effectivement cet ordre à condition et à charge pour nous de le présenter. C'est aux accents de la marche Lorraine que François Mitterrand a descendu le grand escalier de l'hôtel de ville de San Francisco, dont le maire, Madame Diane Feinstein, lui avait réservé un accueil solennel, lui remettant, entre autres gestes d'attention, ce texte voté par le conseil municipal et proclamant les 24, 25 et 26 mars, journée François Mitterrand à San Francisco. Ayant reçu la clé de citoyen d'honneur de la ville, François Mitterrand a dit l'attachement des Français pour les Américains. Le maire offre systématiquement la médaille de sa ville, ou alors pour une ville importante, on offre la clé de la ville à cette hôte qui vient honorer la ville de sa présence, et donc on lui fait don d'une clé. Alors, on a des médailles aussi qui nous sont offertes par des corps constitués, des corps d'État, des départements, des régions, des associations, des assemblées, des médailles aussi qui rappellent un moment, une commémoration particulière, un lieu particulier, et des personnages historiques. Et la monnaie de Paris, par exemple, qui frappe médaille, va offrir systématiquement tous les nouveaux spécimens de médailles au président de la République. C'est un peu mon cauchemar, les médailles. Alors ça, c'est vraiment pas... Il a fallu les étudier, les inventorier et les marquer surtout. Donc, j'ai marqué 850 médailles avec la main d'un petit numéro d'inventaire. Les médailles ont été photographiées des deux côtés, étudiées, inventoriées. Nous avons 850 pièces en numismatique dans la collection. Ce sont des médailles qui ont été offertes en général dans un cadre, même à 98%, dans un cadre officiel, par des représentants de municipalités, par des conseils régionaux, des conseils généraux, par des communes, là aussi, ou alors des médailles qui ont été réalisées et frappées pour des événements particuliers. Elisabeth II d'Angleterre offre pour l'anniversaire d'entente cordiale une médaille en or avec son portrait royal sur le dessus, qui est présenté en réserve visitable. Visite d'État du président au Royaume-Uni du 14 au 17 mai 1996. Il est reçu par Elisabeth II, reine du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et de l'Irlande. Visite du président Nelson Mandela, du président d'Afrique du Sud en France, du 13 au 16 juillet 1996. Visite du président de la République au Royaume d'Espagne du 4 au 5 octobre 1999. C'est Juan Carlos Ier, roi d'Espagne, qui le reçoit. Réception du président Ernesto Zedillo, président de la République du Mexique, du 4 au 7 octobre 1997. Réception du roi Norodom Sihanouk, roi du Cambodge, le 22 avril 1996 au Palais de l'Élysée, visite d'État en France. Et en dessous, donc, entre autres, toujours les emballages et les écrins. Alors là, on a toutes sortes de boîtes, des boîtes en velours, des boîtes en bois, des boîtes en métal, des boîtes avec des écritures, évidemment, des boîtes recouvertes de soie, j'imagine. Enfin, c'est vrai que c'est extrêmement varié. Alors, les écrins, effectivement, sont très importants pour nous dans nos collections. Ils font partie intégrante de ces objets. Et les boîtes, les emballages sont aussi marqués. Les musées de France ont une obligation de marquer dans le numéro d'inventaire ces objets. Et nous, notre particularité, c'est d'avoir des emballages de ces objets. Donc les emballages portent quasiment le même numéro d'inventaire que l'objet pour pouvoir effectivement regrouper, réassocier l'emballage au cadeau. Nous avons l'obligation aussi, pour des raisons de conservation, d'enlever les cadeaux pour les conserver des emballages. Donc nous avons une réserve dans le musée qui ne se visite pas, qu'on appelle la réserve emballage, qui est constituée de plusieurs milliers de boîtes d'emballage, toutes plus belles et intéressantes les unes que les autres, des boîtes en carton, des boîtes en soie, des boîtes en loupe d'or, des boîtes en métaux semi-précieux. Donc c'est un très très bel endroit, et que mes collègues d'autres musées, quand j'ouvre ces réserves de conservation à d'autres collègues, ont la surprise de découvrir, et c'est vraiment une réserve fabuleuse. J'espère qu'un jour, dans le cadre des Journées du patrimoine ou des printemps des musées, on puisse ouvrir ces réserves d'une façon exceptionnelle à notre public. Certaines pièces qui sont présentes en réserve visitable ne sont pas présentes en exposition permanente, certaines typologies, en particulier les gros morceaux, les très grosses pièces. En particulier dans la première vitrine à droite, quand on rentre, nous avons un très beau paravent japonais qui est en soie, offert par un artiste japonais, qui est associé à un objet qui est une fontaine de table en or, métal précieux et semi-précieux, qui pèse 12 kilos, qui est en fait une fontaine à eau offerte par le roi du Qatar, pour des raisons de sécurité évidentes et de présentation aussi. Nous avons choisi de la présenter en réserve visitable, cette pièce d'orfèvrerie. 15h30, c'est sur l'aéroport de Taïf, la capitale d'été du royaume saoudien, que se pose l'avion de François Mitterrand. Au pied de la passerelle, le roi Khaled et son fils, le prince Fahd, accueillent le président français. Protocole oblige, les deux chefs d'État échangent des cadeaux. Plus de 100 personnes ont ensuite assisté au dîner officiel, au cours duquel aucune allocution n'a été prononcée. Donc là, on est dans la salle chapelle du couvent Sainte-Reine. Donc, et on a une première présentation de vitrine d'objets qui sont issus presque tous du premier septennat, avec ses voyages en Afrique, puisqu'il va aller dès 82 en Afrique. Et là, on a des défenses sculptées d'éléphants du Togo, tête, une poignée et un sommet de reliquaire Kota du Gabon. On a aussi des éléments offerts par Hassan II, roi du Maroc, qui est extrêmement généreux en fait dans son cadeau protocolaire. Qui fait des cadeaux très somptueux. Somptueux, oui. Là, il fait travailler essentiellement Chaumet, Boucheron, donc les grands orfèvres français ou étrangers d'ailleurs. Mais en tout cas, ce qui est assez curieux, c'est qu'il offre effectivement un cadeau à François Mitterrand, un cadeau qui est fabriqué en France. Voilà. Il y a cette canne avec deux pommeaux, dont un interchangeable, avec une boussole sur le dessus pour son pèlerinage à Solutré. En bois, pommeau en ivoire, cuir sur la poignée aussi et dorure. On a aussi un nécessaire de bureau offert par Hassan II avec un cartel, donc une horloge qui est fabriquée par Chaumet. Donc on a quelque part, avec ce cadeau, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une référence à l'écriture. Donc on a deux plumes d'oie ici qui sont posées dans des encriers. Et effectivement, on retrouve dans cette collection beaucoup de stylos. Et il a voulu se donner aussi cette image, hein, François Martin, puisque la photo de François Mitterrand, la photo officielle de François Mitterrand, c'est François Mitterrand dans une bibliothèque tenant un livre de Montaigne. Oui, donc, les essais de Montaigne qu'il tient à la main. Alors, il demande à Gisèle Freund, qui est la photographe spécialisée des écrivains, de le photographier comme un écrivain et non pas comme un homme politique. À Monsieur François Mitterrand, président de la République française. À l'occasion de votre prochain anniversaire, nous sommes heureux de vous faire parvenir, Monsieur le Président, nos meilleurs vœux de santé et de prospérité, dans le vif désir de pouvoir très bientôt avoir le bonheur de vous exprimer de vive voix notre grand attachement et notre profonde reconnaissance. François Martin, je voulais qu'on aille voir aussi cette salle où un certain nombre de portraits de François Mitterrand qui sont d'une certaine manière des cadeaux, hein, puisque ces portraits, bien sûr, François Mitterrand en a commandé certains, mais pour la plupart, ils ont été faits soit par un artiste professionnel, un artiste amateur, ou à l'étranger, hein, on fait faire des portraits de François Mitterrand, d'ailleurs sur des supports parfois très variés, et qui disent aussi un savoir-faire traditionnel. Oui, ça peut être des ailes de papillon pour la Centrafrique, mais ça peut être un discours imprimé par-dessus le visage de François Mitterrand pour la Corée, un discours qu'il a fait au sommet de Paris en 81, justement où il ouvre la porte aux pays en voie de développement. Ça peut être aussi un autre discours africain, ça peut être aussi une allégorie à la République. On va essayer de se mettre devant ces œuvres qui sont juste à côté. On a vraiment des matériaux et des représentations qui sont extrêmement variés. Et là, on a plus de 200 portraits de François Mitterrand, alors de toute nature, parce que ça va de la sculpture, ça va de l'allégorie en porcelaine à Limoges, à une sculpture en pierre, en plâtre, en bois, donc, et puis après des portraits alors en ailes de papillon, en peinture, et puis en marqueterie. Un donc, duo là aussi, Mitterrand n'est pas seul. Oui. Donc on a ici un duo lors d'une visite au Congo avec Omar Bongo et François Mitterrand, qui est un dessin au crayon, papier et crayon de couleur pour le fond. Ou alors on a en Sierra Leone un extrait d'un discours. Et un autre portrait juste. Une espèce de mandorle. Alors, une mandorle, on dessine un cœur. Et puis, effectivement, on a une allégorie à la République. Cette Marianne, qui est une jeune fille assez virginale, on peut le dire, qui tient offre une rose à François Mitterrand. Et il y a trois hirondelles au-dessus qui viennent annoncer le printemps et tout le bonheur de ce nouveau président. Voilà. Et donc, ça date de 81. Ça date de 81. Et c'est l'artiste qui fait don de son œuvre au président, comme souvent. On a beaucoup de dons directs de l'artiste au président. Vincent Rigaud, directeur adjoint du musée du président Jacques Chirac. Il y a très peu de portraits en exposition permanente du président de la République. C'était une volonté, hein, nous ne voulions pas faire un musée hagiographique au début de ce musée, mais par contre, on avait décidé de présenter quelques portraits du président sur la céramique en particulier sur la céramique chinoise, où cette assiette ronde reprend le portrait du président, légèrement de trois quarts, le front plus dégarni qu'on ne le connaît, avec un sourire très figé et les yeux un petit peu bridés. Là, nous avons un cadeau, une représentation du président à l'image de la tradition de la propagande communiste révolutionnaire, de l'iconographie révolutionnaire, on croirait voir le portrait de Mao sur la place rouge. C'est une image du pouvoir, en fait, qui est représentée ici, sur cette pièce de vaisselle. François Martin, maintenant, on est dans les sous-sols. On est dans les caves du couvent, donc dans les espaces conservatoires nourriture, finalement, puisqu'on entassait, on engrangeait effectivement toute la nourriture à côté des cuisines qui sont juste derrière nous. Et ici, on est devant un espace où on a en représentation un couple de lions, un espace qui est quasi originel de l'inauguration de ce musée. C'est une salle d'ailleurs que je ne souhaite pas bousculer parce qu'elle est très plaisante puisqu'on a une panthère, on a un couple de lions, on a une civette et aussi on a un ensemble très conséquent d'objets, de tentures africaines, de défense d'éléphants, une plaque de sel. On a aussi plusieurs paires de sandales. Et en fait, ce qui nous paraît relativement commun, figure finalement des objets qui sont exceptionnels. Les sandales, seul le roi peut les porter. Roi, prêtre, roi Dieu, le souverain finalement représente et garant de sa population, de la santé, de la prospérité de la population. Et donc, il se doit d'être pur. Il ne doit pas se mélanger à la population, il dort seul et surtout il ne touche pas la terre de ses pieds et donc il a des sandales aux pieds et là on a plusieurs paires de sandales. On va continuer et on va se positionner ici devant un cortège royal donc offert par le Bénin où on voit le souverain qui est porté une espèce de grand hamac. On le voit bien avec ses sandales. Il y a 31 personnages qui accompagnent ce cortège royal, mais qui l'annoncent. Ce sont des gardes, des guerriers, musiciens, qui annoncent avec un tam-tam, des cloches, des clochettes, des timbales, l'arrivée du roi qui est abrité, qui est le seul à être ventilé. On chasse les esprits et qui porte sur son épaule une espèce de houe qu'on appelle une récade, qui est vraiment la symbolique qui représente le roi. On a une petite boîte ici qui est portée par un personnage sur sa tête et à l'intérieur de laquelle on va retrouver d'autres attributs royaux, ce qu'on va appeler les régalias, qu'on va voir juste à côté. Mais là, on est au Bénin, chez des artisans fonds d'Abomé, et on va passer à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, on va voir le trône de Félix Houphouët-Boigny. Enthousiasme démonstratif pour l'accueil, aujourd'hui encore, à Abidjan, pour M. Mitterrand. Il est vrai que le président français est un ami de 35 ans du président Houphouët-Boigny et que la presse ivoirienne le rappelle depuis son arrivée. On est devant un trône avec d'autres éléments, un chasse-mouche, fait en crin d'éléphant, un sabre légèrement ajouré sur le tranchant, mais avec des poignées recouvertes de feuilles d'or. Alors pour l'un, on a un éléphant qui souvent symbolise le monarque en Afrique. On a donc offert par Félix Houphouët-Boigny le trône des souverains baoulés de Yamoussoukro. Alors, Yamoussoukro, au départ, du XXe siècle, c'est un petit village de 450 âmes. L'arrière-grand-tante de Félix Mpouel-Boigny devient la reine des Baoulés et de ce village et transmet effectivement la chefferie au père de Mpouel-Boigny qui va mourir assez rapidement. Et Félix Mpouel-Boigny va hériter de la charge du village. Donc ce trône, c'est beaucoup plus qu'un trône en fait, c'est un outil de dévotion au souverain défunt. Sous le trône, il y a une espèce de petite boîte ajourée. Et là-dedans, il y a l'âme du défunt. Et c'est un cadeau qui est excessivement précieux. C'est vraiment le cadeau, le summum du cadeau qu'on peut offrir à un chef d'État français. Pour Jacques Chirac, je vous offre cette statuette que j'ai faite à l'atelier de poterie. J'ai fait votre statue parce que je vous aime bien. Gros bisous, Mathieu. Alors, le président s'est rendu en visite d'État le 24 juillet 1999. Il a fait un grand tour de l'Afrique de l'Ouest et il commence par le Cameroun. Il rencontre son homologue camerounais Paul Biya. Et Paul Biya va entraîner le président français à travers la visite du royaume Banjoun. On va rencontrer les dignitaires Banjoun qui vont offrir en fait deux tabourets plus un masque d'éléphant en perles. Alors dans ce royaume, on a la tradition de fabriquer des objets en perles. Ici, les tabourets d'apparat, ce sont des tabourets de chef, de dignitaires africains, qui ont été fabriqués exprès pour la visite du président. Ils sont en bois, recouverts de tissu et entièrement brodés de milliers de perles multicolores en plastique. Alors là, les couleurs sont très fortes parce que vous avez le bleu, blanc, rouge du drapeau français mélangé au rouge, jaune, vert du drapeau camerounais, comme si les deux pays ne former un seul et unique pays, un seul et unique drapeau. Donc là, c'est vraiment un symbole fort d'amitié, c'est le summum du cadeau diplomatique, symbole fort d'amitié. Alors celui-ci est brodé, J. Chirac, il a été fabriqué pour le chef de la tribu France, du peuple France, il est soutenu par un animal, un chimpanzé en cariatide. Sur celui derrière, il y est inscrit un message clair et très enthousiaste, on ne peut pas faire plus clair comme message, « Vive l'amitié franco-camerounaise ». Et pour accentuer un peu plus cette amitié, vous avez les deux drapeaux des deux pays croisés, symboles de paix et d'amitié. Alors ces drapeaux, on les retrouve très très souvent dans le cadre de cadeaux diplomatiques, dans le cadre de visites d'État aussi, qui apparaissent aussi bien sur des cadeaux européens, en particulier l'orfèvrerie offerte par Boris Yeltsin, qui n'hésite pas à faire apparaître sur ses pièces d'orfèvrerie les drapeaux français et le drapeau de la Fédération de Russie, ou des objets africains aussi, où on retrouve ici le drapeau français, le drapeau camerounais. Guinée, Togo, Nigeria, Cameroun, la tournée africaine de 5 jours qu'entame le président Chirac sera sa 4e visite sur le continent en 4 ans. Le voyage de l'an dernier en Afrique du Sud, en Namibie, au Mozambique et en Angola voulait illustrer la volonté d'ouverture de la politique africaine de la France. Celui-ci entend s'inscrire sous les signes de la fidélité, de la paix et de la modernisation. On va s'arrêter sur cet objet qui est un objet offert par l'Afrique du Sud, par le vice-président d'Afrique du Sud de l'époque, Thabo Mbeki, qui offre ici un jeu d'échecs, qui est une pièce unique dans nos collections parce que ce jeu d'échecs raconte la vie politique de l'Afrique du Sud qui est en train de se construire à l'époque. Effectivement, il nous raconte la fin de l'apartheid. Sur ce jeu d'échecs où se mêlent les pions blancs et les pions noirs, un petit clin d'œil aussi, vous avez à la tour, aux quatre angles, c'est Frédéric de Klerk. Le roi, bien sûr, honneur à Nelson Mandela. Le fou du roi, c'est Desmond Tutu. Le cavalier, c'est lui-même représenté, c'est le donateur, c'est Thabo Mbeki. La reine, c'est Winnie Mandela. Donc tous ces cavaliers sont identifiables. C'est un cadeau vraiment très très rare dans une collection comme la nôtre, de cadeaux protocolaires. Il est très très rare aussi qu'un chef d'État, un homme d'État, offre un objet qui raconte la politique de son pays, et surtout quand elle est en train de se faire. C'est un cadeau d'ouverture et on montre effectivement que la paix est en train de se construire en Afrique du Sud. Voilà, en offrant un cadeau comme celui-ci. Oui, parce qu'on n'a pas dit quand même Vincent Rigaud, c'est vrai que ces cadeaux donnent à voir donc une relation entre un pays étranger et la France, mais une bonne relation. Hein, c'est un traité d'amitié, un maintien de la paix. Voilà, on n'offre pas de cadeaux quand on est évidemment en conflit ou dans une situation de tension. Tout à fait, vous avez là, ce sont des cadeaux d'amitié, d'amitié entre deux peuples, entre deux cultures. L'échange cadeau, le cadeau protocolaire se fait dans ce sens-là. Ici, on est devant deux vitrines qui présentent des objets à caractère historique, on va dire. On s'offre soi-même, mais on s'offre aussi les moments historiques les plus remarquables du pays ou de l'histoire du pays. Alors là, on est devant, par exemple, des lampes à huile nabatéennes d'Israël, une toute petite fiole en verre qui devait contenir du parfum. Offert par Rabin. Offert par Rabin. Pièce originale. Voilà, deux pièces originales, tout comme ces deux vases chypriotes qui sont de la période archaïque du 7e avant Jésus-Christ à Chypre, qui sont des originaux. Mais en fait, on dit, vous voyez, ces objets représentent les débuts de la chrétienté. Alors on a aussi des facsimilés, hein, ici un abécédaire d'Ugarit, hein, mais là qui est une copie. On a en copie le radeau d'Eldorado, qui est effectivement cet empereur paré d'or, couvert d'or, qui va faire offrande aux dieux dans un lac à côté de Bogota, avec d'autres objets en or. Voilà, donc le Liban nous offre trois gourdes ici, qui datent du début de la chrétienté. Donc voilà, en échange, on offre aussi des moments de notre histoire, puisque effectivement la Révolution française est extrêmement appréciée. Et puis c'est quelque part notre fer de lance, hein, liberté, fraternité, égalité. On promeut toujours cet esprit des Lumières à travers des cadeaux qui font référence, soit dans l'écriture, soit dans les objets. Soyez le bienvenu, monsieur le président Chirac. C'est en bateau que Jacques Chirac arrive à Mamoudzou, la capitale de Mayotte. Les collines qui dominent la ville sont colorées par les milliers de boubous des Mahoraises et Mahorais venus l'accueillir. Moi, je l'ai touché. Et alors, ça fait quoi toucher Jacques Chirac? Ben, je sais pas, on a l'impression d'être en France, je sais pas, en plane. Ici, présenter un cadeau qui est en fait un sélacanthe, c'est un poisson préhistorique empaillé, c'est une taxidermie offerte en 1996 par le président des Comores dans le cadre d'un voyage en France. Il faut s'imaginer président de la République attendant au palais de l'Élysée, dans la salle d'honneur, le président des Comores et qui arrive avec ce cadeau. C'est un poisson, en fait, que l'on croyait disparu depuis très longtemps, qui est contemporain des dinosaures, que l'on repêche dans les années 80, que l'on connaissait grâce aux fossiles, à des histoires et à des légendes, et qu'on remonte dans des filets en 1980 et qu'on va envoyer dans un laboratoire scientifique en Afrique du Sud. Et une scientifique, Miss Latimer, en étudiant ce poisson, va se rendre compte que ce poisson a une structure osseuse et en particulier une colonne vertébrale. Et Miss Latimer, jusqu'à la fin de sa vie, va défendre l'hypothèse que c'est la théorie que ce poisson pouvait être l'ancêtre de l'homme. Donc effectivement, c'est un poisson qui est très important dans la culture comorienne. On raconte aux enfants aussi des histoires de Gombessa, de vieilles et grandes sirènes qui sortent de l'eau. C'est la cante qui est présente devant nous. On est très fiers de ce poisson parce que c'est le plus gros modèle en taxidermie présent dans une collection publique. Il mesure 1m36, c'est devenu aujourd'hui la mascotte du musée. Il a été inventorié, photographié par le Muséum d'Histoire Naturelle. Et ce qui fait aussi la valeur de cette taxidermie, offert par le président des Comores, c'est qu'il est présenté dans un très bel emballage, qu'on pourrait comparer à une chasse, en bois sculpté, en teck sculpté et en verre, une sorte de sarcophage, un peu à la manière d'une sainte relique. Il est sacralisé complètement, mis en scène, il est scénographié. Alors on parlait, Vincent Rigaud, d'un poisson offert, enfin empaillé, offert à Jacques Chirac. Parfois, des animaux vivants ont été offerts au président et à Jacques Chirac en l'occurrence. En élection permanente, on aborde un petit peu aussi ce sujet. Ici, un exemple, c'est un cadeau qui était offert, c'est un chameau qui était offert en octobre 2003. Un cadeau offert par le Mali dans le cadre d'une visite d'État Niger-Mali sur plusieurs jours. Le président a reçu un chameau et tout l'harnachement qui va avec. Nous avons en collection l'harnachement du chameau en cuir. Heureusement, nous n'avons pas le chameau qui est resté au Mali. En 2001, le président est reçu par Abdelaziz Bouteflika, président de l'Algérie. Le président de l'Algérie lui offre un barbe-arabe, c'est un anglo-arabe, un très très beau cheval, blanc et gris, avec l'harnachement qui va avec. Donc nous conserverons là aussi l'harnachement dans nos réserves visitables. Et le cheval est toujours vivant, il s'appelle Mabrouk. Il appartient toujours au président de la République, mais il est conservé et présenté à Pompadour. Voilà, nous allons aller maintenant faire un tour du côté de notre correspondant à Londres, Philippe Harouard, pour cette traversée et l'arrivée à Buckingham Palace du président de la République et de la reine Elisabeth. Philippe ? Oui, Eh bien, effectivement, le président de la République, la reine, Madame Mitterrand et le duc d'Édimbourg viennent d'arriver à l'instant même à Buckingham Palace et ils font leur entrée par le grand portail qui est bien connu de tous les touristes et ils vont maintenant passer sous le balcon où la famille royale a l'habitude pour les grandes occasions de se présenter. Nous allons pénétrer... Alors là, François Martin, c'est un petit peu exceptionnel. On se trouve face à un cadeau que Mitterrand a fait, mais un exemplaire qui est resté au musée. Oui, on est devant un cadeau procolaire de la France. De la France, oui, on est devant un très grand globe qui représente effectivement une géographie. Alors, on est sur des piétements en chaîne, un entablement octogonal avec un axe vertical. Et ce globe aussi a la particularité d'avoir un axe oblique, c'est-à-dire qu'on peut le coucher et voir ce qui est dessous. François Mitterrand a demandé à son service de trouver un globe qui représentait la géographie actuelle du monde. Alors François Mitterrand va l'offrir, mais vraiment à de nombreuses reprises, à plus de 40 reprises dans le monde entier. On le retrouve au Musée national du Vietnam, par exemple, ce globe. Il est aussi dans certaines ambassades françaises. Il est au Canada, il est effectivement dans beaucoup de pays. Et on va l'offrir à des nouvelles républiques soviétiques. Il va y avoir l'Ouzbékistan qui va venir, mais qui ne pourra pas repartir avec son globe parce qu'il ne rentre pas dans la soute de l'avion des lignes ouzbèques. Alors, autre particularité aussi de ce globe, c'est qu'il y a une géographie française qui est assez curieuse, puisque bien sûr, on va retrouver les grandes capitales régionales, mais on va retrouver des petits éléments qui sont très mitterrandiens, puisqu'on va avoir Château-Chinon, on va avoir Solutré, on aura sur certaines versions Latch. Le ministère d'Affaires étrangères, le Quai d'Orsay, nous a prêté il y a quelques années un échantillon de cadeaux que le président Chirac avait l'habitude d'offrir en tant que chef d'État. Nos visiteurs étaient très interrogatifs depuis le début et c'est vrai que nous avions oublié de présenter et de parler de ces cadeaux français offerts dans le cadre de voyages à l'étranger à d'autres chefs d'État étrangers ou chefs de gouvernement étrangers. Donc nous avons un échantillon de cadeaux. Alors effectivement, le président Chirac aimait personnaliser les cadeaux qu'il offrait, en particulier je pense à un ouvrage produit par la Réunion des musées nationaux, un ouvrage sur les arts premiers au Louvre qu'il offrait systématiquement à ses homologues venus en France et en particulier à Bill Clinton qui a reçu ce cadeau et en exposition permanente dans la zone Amérique nous présentons la lettre de remerciement du président Clinton qui remercie chaleureusement le président qu'il appelle Jacques du livre qu'il vient de recevoir. Traditionnellement aussi les présidents, là aussi on vante le luxe de l'art et du savoir-faire à la française, on offre des cadeaux bien français, fabriqués en France, made in France, porcelaine de Limoges, on offre vase de Sèvres que le président Chirac avait aussi souhaité personnaliser avec un décor asiatique, japonisant sur ce vase de Sèvres avec des tiges de bambou et de papyrus, on offre aussi du cognac de Brillé en Charente, des médailles, des horloges, des montres de Besançon. Et ces cadeaux seront accompagnés très souvent d'une carte de visite du donateur, de lettre de remerciement de la personne qui a reçu le cadeau. Là en particulier, nous présentons une lettre de remerciement du président Clinton qui vient de recevoir en juillet 2000, le livre sur les arts premiers offert par le président Chirac, le livre qui vient juste de sortir. Donc cette lettre en américain que je vais vous lire en français s'adresse au président de la République avec en tête de la Maison Blanche, Washington, cher Jacques. Merci beaucoup pour le livre d'art. Le pavillon de session au Louvre me paraît magnifique. Je sais que tu as été très attentif à l'ouverture du musée du Quai Branly. Je suis heureux de ton amitié continue et je t'envoie mes meilleurs vœux, sincèrement, Bill. Adressé à son excellence Jacques Chirac, président de la République française. on s'offre soi-même d'une certaine manière. C'est qu'on offre à l'autre ce qu'on fait de mieux. François Martin. Et aussi, on lui offre souvent un deuxième cadeau, plus personnel. On cherche à lui faire plaisir, c'est essentiel. Et pour lui faire plaisir, eh bien, on demande aux ambassades de déterminer le profil psychologique de la personne qu'on va rencontrer. Son âge, son métier, son parcours politique, ses passions. Et dans ces passions, bah, ce qui est très curieux, c'est que beaucoup de ces grands ont des hobbies extraordinaires. Donc Helmut Kohl collectionne les minéraux. Donc on va offrir systématiquement un objet avec des minéraux. Une plaque de quartz de Lagardette, de Loison, etc. On va lui offrir un morceau de barytine, d'une plaque de barytine du Morvan. Voilà. Felipe González collectionne les bonsaïs. Donc on va lui offrir une essence française miniature. Voilà. Alors, Hussein de Jordanie collectionne les petites voitures. Margaret Thatcher a demandé expressément à avoir une théière fabriquée par Adrian Sachs à la Manufacture Nationale de Sèvres. Et on lui a offert une première version rose qu'elle a mise au-dessus de sa cheminée du 10 Downing Street. Et quelques années plus tard, elle a demandé à avoir la même théière, mais en verre. Et tous les cadeaux français, à 95%, sont issus de la Manufacture Nationale de Sèvres. Ici, la vitrine des objets précieux, en particulier de l'orfèvrerie précieuse et de la bijouterie. Vincent Rigaud. On a une très très belle collection de bijoux offerts par des princes de la péninsule arabique, du Moyen-Orient, mais aussi des bijoux offerts par des pays africains. L'espace permanent présente un espace Moyen-Orient où sont présentés des palmerets offerts par le roi Fahd d'Arabie Saoudite. L'ancien roi d'Arabie Saoudite avait une tradition qui était d'offrir des palmerets, des oasis. Nous en avons une dizaine d'exemplaires dans notre collection. Le roi Abdallah, son frère, qui a pris la suite du royaume saoudien, lui aussi a gardé cette tradition en offrant des maquettes qui leur racontent l'Orient. Donc nous avons quelques belles pièces présentées en réserve visitable. Nous avons aussi beaucoup de bijoux. Alors ces bijoux sont très intéressants parce qu'ils sont offerts par des pays du monde arabe, Émirats, Qatar, Arabie Saoudite, Bahreïn, mais ils sont très souvent fabriqués en dehors du pays qui les a offerts, en particulier chez des orfèvres français, hein, Cartier, Rolex, Boucheron pour les montres, hein, mais aussi des orfèvres anglais. Je pense en particulier à Asprey, qui est l'orfèvre favori de la reine d'Angleterre, d'Elisabeth II d'Angleterre, qui travaille beaucoup avec la cour anglaise, qui fabrique ces bijoux, qui sont ensuite envoyés dans les pays du monde arabe, qui sont ensuite offerts à des chefs d'État étrangers et au président Chirac et à son épouse. Une très belle parure en or blanc, constituée de près de 800 diamants et 80 carats d'émeraude, constituée d'un collier, bracelet et de deux boucles d'oreilles offerts par l'Arabie Saoudite, fabriqué par un bijoutier qui est implanté en Europe, mais qui est égyptien, qui s'appelle Mouawad. Ça s'apparente un peu au trésor du roi, hein, d'une certaine manière, parce que c'est quand même des présents extrêmement précieux. Quoi, d'une certaine manière. Oui, ce sont des cadeaux extrêmement précieux. Effectivement, ce sont des cadeaux, des trésors dignes d'un roi. C'est pour ça aussi qu'on a un peu sacralisé cet espace, hein, où on a regroupé tous ces objets extrêmement précieux, ce qui donne un peu l'effet de bijouterie accentué par la pénombre et cette caverne d'Ali Baba. Effectivement, c'est une sorte de vitrine au trésor, pour cette vitrine. Et François Martin, finalement, ce genre de musée un peu exceptionnel, puisqu'on peut dire qu'il en existe quoi, trois, si on compte le musée Pompidou, oui, la maison natale de Pompidou, le musée du président Chirac, le musée du Septennat. Alors, c'est quoi ces musées? Aussi les deux églises, où il y a une petite scénographie autour du général de Gaulle. Et des cadeaux en particulier, parce qu'il y a des cadeaux qu'on lui a fait. Alors, de Gaulle a peut-être voyagé 50 fois, là où François Mitterrand a voyagé plus de 220 fois. Donc, mais il a reçu aussi quand même de nombreux. Il a reçu plus. Mais à l'époque de Gaulle, on voyageait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, un président, il va partout. Mise au point de l'Élysée après les accusations du canard enchaîné contre le président de la République. L'hebdomadaire révèle aujourd'hui que Valéry Giscard d'Estaing, alors ministre de l'Économie et des Finances, a reçu 30 carats de diamants en cadeau de Bokassa. L'Élysée répond que l'échange de présents de caractère traditionnel, notamment lors des visites de membres de gouvernement dans les États étrangers, n'ont en aucun cas la valeur mentionnée aujourd'hui par certains organes de presse à propos du Centrafrique. Auparavant, dans la soirée, messieurs Jacques et François Giscard d'Estaing, cousins du chef de l'État, également mis en cause par le canard enchaîné, démentaient formellement avoir reçu des cadeaux de quelque nature que ce soit. Est-ce qu'on pourrait se poser la question de où sont les cadeaux de Valéry Giscard d'Estaing, aujourd'hui de Nicolas Sarkozy, de... Alors, je n'ai pas la réponse. C'est une question qu'il faut poser au Mobilier National, parce que logiquement... ils ont la réponse. Mais voilà, y a, en tous les cas, il n'y a pas de texte législatif qui, non, qui ni oblige, qui ni, oblige ou ni dit quoi faire de ces cadeaux d'État. Oui. Non, il y a une règle, une politesse qui fait que l'usage veut qu'on retourne au Mobilier National l'ensemble de ces cadeaux, sauf celui ou ceux qu'on veut garder. Voilà. Merci à François Martin, conservateur du musée du Septennat et des musées de la Nièvre, et Vincent Rigaud, directeur adjoint du musée du président Jacques Chirac. Merci également à Marie-Yvonne Abolivier, Romain Debec de Lièvre et Jonas Tchartia. Archivina, Aurélie Marsay. Prise de son, Yvan Turc et Jean-Michel Bernou. Mixage, Jason Taous. Les Trésors des Présidents, un documentaire de Séverine Liattard et Françoise Camard. Demain, nous continuons notre semaine consacrée aux collections d'art et aux collectionneurs et nous nous interrogerons sur la figure du collectionneur au XIXe siècle. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez l'écouter pendant 1000 jours, la télécharger pendant un an après sa diffusion et laisser vos commentaires sur nos pages ainsi que sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire.